بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Que toutes les louanges soient à Allah, le Seigneur de tout l'univers, et que les bénédictions d'Allah et les salutations à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur toute sa famille qui est pure, et sur tous ses compagnons, et sur tous ceux qui les suivront à la perfection jusqu'au jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah, et la meilleure des guidées, c'est la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les plus mauvaises choses sont toutes les choses inventées dans la religion. Et toutes les choses inventées dans la religion sont des innovations, et toutes innovations sont des déviances, et toutes déviances mènent au feu de l'enfer. On va essayer de terminer, inchallah, aujourd'hui le sujet sur les conditions d'acceptation des actes en islam. On avait vu les conditions shurut qubul amal fiddin. Et donc c'est quoi en fait? C'est que ça doit être sincère pour Allah et selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et j'avais rajouté une chose en plus au tout début, j'avais dit que la personne doit être musulmane déjà. Parce que souvent on peut croiser, par exemple il y a un non-musulman qui rentre et il y a certains frères qui lui disent: vas-y, prie avec nous. Mais sa prière n'est pas acceptée. Même s'il prie correctement, même s'il fait les ablutions. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas musulman. Donc déjà il faut que la personne soit musulmane, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: inna ad-din 'inda Allah al-islam. La religion qu'Allah accepte, agrée, c'est l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset de la même sourate: wa man yabtaghi ghayra al-islam adina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Et celui qui désire une autre religion que l'islam, ce ne sera pas accepté de lui, et il sera fil akhira, au jour du jugement dans l'au-delà, parmi les plus grands perdants, parmi les perdants. Ensuite, ça doit être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce que tout acte ou qui soit mélangé avec quelque chose pour autre qu'Allah, ce n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on avait vu, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'être sincère. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne clairement que si une personne mélange un acte que tu fais normalement pour Allah, par exemple une prière comme on disait, tu la fais pour Allah, mais en fait tu veux la faire en fait pour que les frères disent que tu pries bien, eh bien ce ne sera pas accepté, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbitanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Il t'a été révélé à toi et à ceux qui t'ont précédé que si tu fais n'importe quel type de polythéisme, que ce soit majeur ou mineur, eh bien tes actes, tes œuvres seront vaines. Ça ne servira à rien, elles ne seront pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Comme on avait dit, parce que le polythéisme majeur, c'est par exemple invoquer ou adorer autre qu'Allah. Et polythéisme mineur, donc le premier, il exclut de l'islam. Le deuxième n'exclut pas de l'islam, mais ça fait partie des péchés majeurs. Et si la personne elle meurt sur ça, sans s'être repentie, blesh tauba, eh bien, elle rentre en enfer. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas de shirk, qu'il soit majeur ou mineur. Allah subhanahu wa ta'ala qal, comme c'est dans sourate An-Nisa: inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, il ne pardonne pas, mais il pardonne autre chose à part le shirk. Il peut pardonner à Allah subhanahu wa ta'ala qui il veut. Donc ça c'est le premier point. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَةً. Et ils n'ont été ordonnés que de n'adorer Allah qu'en étant sincères, avec un pur monothéisme seulement pour Allah dans leur adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit أَلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ. N'est-ce pas Allah, la sincère, يعني, la religion sincère, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit لَا يَنَالُ اللَّهُ لُحُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْهُ. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Al-Hajj, ce n'est pas leur chair ni leur sang, يعني, lorsqu'on égorge l'animal pour l'Eid, ce n'est pas ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de vous, il veut de vous la piété, que la personne le fasse sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, donc premièrement, la personne doit être musulmane. Ensuite, sincère pour Allah. Mais la sincérité seule, ce n'est pas suffisant. La personne, comme on verra, il y a des narrations rapportées par Abdallah ibn Abbas, Abdallah ibn Mas'ud, pardon, radiallahu anhu, sur cela, parce qu'on verra plus tard, inshallah. La sincérité seule, ça ne suffit pas. Il faut que ce soit en accord avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah nous ordonne de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ce que le messager vous a donné, vous ordonné, prenez-le. Et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Et craignez Allah, car Allah est dur en châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit من يطع الرسول فقد أطاع الله. Celui qui obéit au messager a obéi à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Que ceux qui opposent l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils s'attendent à être touchés par une épreuve, une fitna, et ils auront un dur châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous met en garde de ne pas suivre son chemin. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate An-Nisa, qui est la sourate 4, وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et qui oppose, qui fait scission avec le messager, il refuse de suivre la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Celui qui fait scission avec le messager et suit une autre voie que la voie des croyants. Les croyants, pendant le temps de la révélation, c'était les sahaba. Ceux qui veulent suivre autre que leur voie. Eh bien, nous le ferons responsable de son choix et nous le mettront en enfer et quelle mauvaise destination. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans Sahih al-Bukhari par Abu Huraira radiallahu anhu, qui dit que قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. Toute ma communauté rentrera au paradis excepté ceux qui refusent. Les compagnons ont dit ومن يأبى يا رسول الله. Qui va refuser de rentrer au paradis, au messager d'Allah? قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Celui qui me suit, qui m'obéit, entrera au paradis. Et celui qui me désobéit est celui qui refuse. Celui qui désobéit le prophète Hassan, il n'est pas intéressé par le paradis en vérité. C'est ce que ça veut dire dans le hadith qui est authentique dans Sahih al-Bukhari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme il est rapporté par Shaykhan, fi sahihayhima al-Bukhari wa Muslim, dans leur sahih. Ça c'est le plus haut degré d'authenticité, ça veut dire que c'est accepté à l'unanimité. Sahih al-Bukhari Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans une narration qui est rapportée par Aisha radiallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Celui qui invente quelque chose qui ne fait pas partie de notre ordre, ceci se verra rejeté. Et dans un sens similaire, comme dans la narration de l'imam Muslim dans son sahih, aussi selon Aisha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Celui qui fait un acte, n'importe quel acte qu'une personne fait dans la religion afin de se rapprocher d'Allah. Elle fait quelque chose. Mais c'est basé sur rien, elle n'a pas de preuve. Eh bien, cet acte se verra rejeté comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui invente quelque chose qui ne fait pas partie de notre ordre, il se verra rejeté, cet acte-là. Il ne sera pas accepté. Même si la personne a fait ça toute sa vie, ce ne sera pas accepté. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna din indallah al-islam. La religion qu'Allah agrée, c'est l'islam. Mais c'est lequel islam? C'est l'islam que les gens inventent ou c'est l'islam qu'Allah a légiféré? C'est l'islam que Allah a légiféré. C'est C'est celui-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et c'est celui-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de suivre. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et accrochez-vous tous à l'anse solide d'Allah et ne vous divisez pas. Ne vous divisez pas. Parce que la division n'est pas agréée et n'est pas aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est quoi? On doit se rattacher sur quoi? Sur la vérité. Le Coran et la Sunna, selon la compréhension des sahabas et des compagnons, car c'est la meilleure des compréhensions, puisque c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui enseignait ses compagnons. Donc s'ils ne comprenaient pas quelque chose, ils revenaient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il leur donnait la correcte compréhension. Donc ça, c'est la meilleure chose. Mais si quelqu'un aujourd'hui dit, ben moi je comprends ce verset-là comme ça, et je pense que c'est mieux, va-t-il être en 2012 mieux que les compagnons et ceux qui étaient parmi l'ère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle. Puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Donc c'est ça qu'Allah il veut de nous et c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. C'est l'islam qu'Allah a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran ainsi que la sunnah des deux ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas juste que le Coran. Le Coran a été révélé par Allah, mais aussi Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la sunnah au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيِي يُوحَى. Et il ne parle pas sous l'effet de sa propre passion, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il dit provient de la révélation d'Allah. Et comme nous avons vu que comment une personne peut suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est qu'elle doit avoir les 6 points qu'on avait déjà vus, mais on ne va pas rentrer dans le détail puisqu'on les a déjà vus dans le détail. أن تكون العبادة موافقة للشريعة في أصلها. Que l'acte d'adoration que l'on fait soit conforme avec la législation d'Allah dans son origine. Ça veut dire que si tu fais quelque chose, tu dois être capable de me ramener une preuve. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si tu fais quelque chose dans la religion pour adorer Allah ou pour se rapprocher d'Allah, si je te dis t'as ramené ça d'où, tu dois me dire, eh bien, les preuves sont là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. C'est ça que ça doit être comme ça. Mais aussi, en ce qui concerne, maintenant, la personne doit ramener un hadith authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en ce qui concerne maintenant les versets d'Allah, eh bien, il doit ramener avec la compréhension des pieux prédécesseurs, yani des sahaba, et ceux qui les ont suivis à la perfection. Parce que c'est très facile, yani, on croise aujourd'hui des gens, parce qu'ils vont te légiférer un acte d'adoration, en te ramenant une preuve. C'est quoi? Un verset du Coran qui va lui donner... Yani lui, il va donner sa propre explication. C'est pas ça. Le tafsir d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, ils sont présents, je l'ai. Le tafsir d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les tafsirs d'Ibn Kathir, ils sont maujoud, ils sont présents. Et voilà, Ibn Kathir prend aussi de Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Donc, ce qu'il y a, c'est que la personne, elle doit tout le temps savoir comprendre le verset. Ça ne c'est pas le rapport. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde musulman, et les fitan, les troubles et les épreuves qui se déroulent, c'est souvent parce qu'une personne prend un verset, le sort de son contexte, et lui donne sa propre explication. Voilà. Et elle va te dire que j'ai ramené une preuve. Non. C'est-à-dire, si elle ramène un hadith authentique, alhamdoulilah, et si elle ramène une preuve du Coran, elle doit le ramener selon la compréhension des sahaba et ceux qui les ont suivis correctement. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, a dit, ma taraktu shay'an mimma amarakum bihi Allah illa wa qad amartakum bihi. Je n'ai rien laissé. Je n'ai rien laissé qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gré, excepté que je vous l'ai ordonné. En fait, il l'a déjà fait. Il n'a rien laissé, il a dit. Il n'a rien laissé. Et comme Abu Dharr radhiyallahu anhu qui a dit, qubida an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ترك لنا منه علما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé et il n'y a pas un oiseau qui tourne ses ailes dans les cieux excepté qu'il nous a donné un savoir dessus. Et ça c'est pour expliquer qu'il a donné un savoir sur tout. Surtout comme on avait dit la dernière fois que le juif qui est venu voir Salman al-Farisi radiallahu anhu et qui lui a dit. Salman Farsi, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un juif, il est venu le voir, il lui a dit Allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta al-khira'a. Votre prophète vous a informé sur tout, même sur comment vous devez faire, azakum Allah, dans les toilettes, il a tout informé, comment tu dois faire, ce que tu dois dire, avec quoi yani, tu t'es su et tout ça, tu vois. Il n'a rien laissé. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, que l'acte d'adoration que l'on fait, il doit être en accord avec la législation d'Allah dans son origine, ça veut dire on doit avoir une preuve. Que l'acte d'adoration que l'on fait, il doit être en accord avec la législation d'Allah sur sa manière, la façon comment on le fait. Si le dhuhr c'est 4 rak'at, eh bien le dhuhr c'est 4 rak'at. C'est pas 5, c'est pas 3. Vous voyez ? Voilà. Si on commence à réciter la fatiha, puis une autre surah, eh bien on commence à réciter la fatiha et une autre surah. C'est pas par exemple, il y a des personnes, elles veulent commencer avec le sujoud, et ensuite faire, yani, être debout, puis réciter la fatiha, et ensuite refaire un autre sujoud ou quoi que ce soit. Yani, c'est pas de cette façon-là. Aussi, comme on disait, lorsqu'une personne fait ses ablutions, yani, si elle commence à faire les pieds et ensuite à faire la tête, ses ablutions ne sont pas acceptées. Ok ? Ces ablutions ne sont pas acceptées. Et comme le frère Rachid, qui l'avait mentionné aussi dans la khutbah, c'est que si les ablutions ne sont pas acceptées, eh bien, la prière ne le sera pas. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Miftahu salat al-wudu » pardon, « Miftahu salat al-tuhur » تحليلها تكبيرة الإحرام وتحليلها التسليم. La clé de la prière, c'est les ablutions. Ce qui rend haram de faire, de parler, de manger, de rire, de parler autre que ce qui est légiféré, je veux dire. Qu'est-ce qui rend tout ça interdit ? C'est le fait que tu dises Allahu Akbar. Là, tu peux plus rire, voilà, tourner à droite, voilà, manger, voilà, tu vois, voilà, répondre à une question. Parce qu'il y en a, c'est comme ça. Bon, on va dire ça, c'est pas ignorant. Allez, c'est un frère qui m'a raconté qu'il avait un oncle, c'était comme ça. Parce qu'en fait, ils avaient préparé à manger, ok, et il était en train de prier. Mais ce qu'il y avait, c'est que lui, il voulait boire le thé avant, ok, et le thé, il était en train de chauffer. Et il descend dans son recours et il dit, matin, c'est au jeté. Subhanallah. Allez, c'est quoi ? Donc, en disant Allahu Akbar, et ensuite ils continuent en disant n'oubliez pas le thé. Et ensuite ils n'entendent pas Eshay. Yani, subhanallah. Yani, lorsque la personne fait Allahu Akbar, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est haram de faire, de parler autre que ce qui est légiféré dans la prière, ou de manger, ou voilà, de boire. Voilà. Yani, tu as fait le takbirat al-ihram, tu es en connexion directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, après ça c'est yani, on parle pas, oui, ça c'est autre chose. Voilà, mais ça c'est yani, je rentre pas dans ce cas-là. Moi, ce que je veux dire maintenant avec le frère qui faisait ça, yani, la famille elle est présente, il a peur que son thé, tu vois ce que je veux dire, il brûle. Yani, voilà, qu'il avait tellement envie de boire le thé. Et l'imam Malik rahimahullah a interdit qu'une personne commence à faire la prière. Si, mathalan, elle a envie, hachak, d'aller aux toilettes, tu sais, elle va se retenir, elle se dit, vas-y, j'ai pas envie de refaire mes ablutions, elle va essayer de se retenir, elle va jusqu'à faire la salette. C'est fortement déconseillé de faire ça. Exactement. C'est comme, mathalan, lorsque le repas du soir, il est prêt, la personne a la faim, il est prêt en même temps que l'heure de la salade. Eh bien, la personne, elle mange d'abord et ensuite, elle va aller prier. C'est ça, là. Et c'est l'islam, c'est la facilité. La religion de la facilité. En faisant, c'est quoi la facilité ? C'est pas les extrêmes. C'est pas je fais rien, voilà, je fais tout en dehors de tout. Non. Le juste milieu, c'est la facilité. C'est ça. Wa ja'alnakum ummatan wasata. Et nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. Juste milieu dans tout. Dans tout. Tu vois ? Et si une personne s'accroche au Coran et à la Sunna, tu vois, comme est venu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça, c'est le juste milieu. Yani, tu ne vas pas trouver de difficulté dans ta religion. Chouf, subhanallah. Lorsque tu pars en déplacement, en voyage, plus de 80 km, ça, la personne elle est autorisée de diviser la prière du Dhuhr et du Asr par deux et de les regrouper. Tu vois la facilité, subhanallah. Hein? Donc, que l'acte d'adoration soit en accord avec la sharia dans son origine, il doit y avoir une preuve. Dans sa manière. Fi jinsiha, dans son genre. Ça veut dire que si, pendant le Eid, eh bien, les animaux qui sont acceptés pour l'immolation, pour, yani, pour les égorger, les animaux, eh bien, c'est de la famille, les moutons, les vaches, yani, tous ceux qui sont de, yani, vous savez, les ovins, les bovins, là. Mais si une personne a dit, moi, je veux un cheval, comme on disait, ça, c'est la famille des équidés. Yani, c'est un autre genre, et ça, c'est pas accepté, c'est un autre genre. Le genre qui est accepté, c'est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec. Yani, qui a ordonné et qui a montré les gens de faire ainsi. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Donc, dans son origine, il doit y avoir une preuve. Dans sa façon, dans son genre, dans son temps, si une personne, là aussi, sans aucune excuse, elle a pas d'excuse, tu vois ce que je veux dire? Ni en voyage, voilà, ni en je sais pas quoi, elle n'a pas d'excuse. Et l'heure du Zohr, disons, c'est. Non, disons, l'heure du Maghreb, c'est. 17h25. Ok? L'heure du Maghreb. L'heure du Maghreb, c'est 17h25. Donc, si maintenant l'heure du Maghreb c'est 17h25, la personne a dit, bah, je vais prier en fait le Maghreb à 17h. Hein? Eh bien, c'est pas accepté. Pourquoi? Parce que l'acte d'adoration, il n'est pas en accord avec la législation dans son temps. L'heure du Maghreb doit arriver pour que tu fasses la prière du Maghreb. Si tu fais la prière avant l'heure du Maghreb, ta prière ne sera pas acceptée. Et tu devras la faire. Donc, ça fait combien de points là? Que l'acte d'adoration il soit en accord avec la législation d'Allah dans son origine. Ça veut dire qu'il doit y avoir une preuve. Dans sa façon, si kayfiyatiha. Dans son genre, si jensiha. Dans son temps, si zamaniha. Dans son lieu, si makaniha. Que l'acte d'adoration soit en accord avec la législation d'Allah dans son lieu. Cinquième point, si comme on disait au Hajj, la personne le jour de Arafat, elle veut toukouf fi Muzdalifa, yani à la station de Muzdalifa, eh bien ce n'est pas accepté. Tu vois? Parce que le jour de Arafat, elle doit être à Arafat. Tu vois? C'est ça. Et le jour du Eid, eh bien c'est le jour du Eid. Ce n'est plus le jour de Arafat. Okay? Yani, la personne, elle doit être présente où est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. Yani, ce n'est pas les gens, tu vois ce que je veux dire, qui aujourd'hui voudront inventer leur propre religion, Allah. C'est juste une religion de suivi, comme on disait, que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, Tabi'u wa la tabtadi'u, laqad kufitum. Suivez et n'innovez pas, n'inventez pas. Ce que vous avez est suffisant. Le Coran et la Sunna, c'est suffisant. Voilà. Voilà, exactement, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est après. Si une personne l'a fait avant, ce ne sera pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala en tant que tbiha pour Salat al-Eid. Okay? Si la personne l'a fait avant, elle ne sera pas comptée. Bon, ce sera halal, bien sûr, parce que c'est un musulman qui prie, mais tbiha, parce que, bon, et qui fait la tbiha, mais ce ne sera pas compté comme la récompense du Eid. Okay? Ou est-ce que lorsque la personne égorge le mouton, toutes les personnes présentes, elles recevront la récompense de tous les. La laine. De toute la laine, tu vois, poil par poil, qui sont sur le mouton. Toutes les personnes qui sont présentes lors de la zbiha, elles reçoivent tout ça en récompense. Compte combien qu'il y a de poils dans cette laine-là. Tout ça, elles recevront en récompense. Et lorsque le sang touche le sol, les péchés sont pardonnés à ceux qui sont présents là. Subhanallah. Donc si une personne. Eh bien, veut faire ça avant Salat al-Aïd pour se dire, moi je veux manger avant, tu vois, eh bien, ce ne sera pas accepté. Exactement. Barakalofik, c'est un bon point, ça, parce que c'est aussi dans son temps. Dans son lieu, la personne, elle doit être aussi à Muzdalifa. Si le jour où est-ce que c'est de Muzdalifa, elle doit être à Muzdalifa. Mais si c'est à Arafa, elle n'a pas le droit d'être à Muzdalifa. Le jour de Arafa, elle doit être à Arafa. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-Hajj ou Arafa. Le Hajj, pour avoir le Hajj accepté, notamment. C'est que la personne doit être présente à cette station de Arafat le jour de Arafat, le 9e jour de Dhul Hijjah. Et le 6e point, que l'acte d'adoration soit en accord avec la législation d'Allah, donc on a dit fi asliha wa jinsiha wa kayfiyatiha wa makaniha wa zamaniha. Et le sixième, quelqu'un qui peut me rappeler, inshallah. Non, non, mais le pourquoi le lieu de dormir? Ah non, après, bon, ça c'est autre chose, Yanni. Ceux qui s'occupent de ça n'est, yani, la personne, c'est pas maintenant chaque personne elle va prendre un mouton et puis elle va l'égorger. Yanni, tu dois acheter le ticket et puis c'est la personne qui va s'en occuper. Mais ça, c'est le jour du Eid. Après, où est-ce qu'ils vont le faire exactement? Allahu a'lam, je peux pas répondre. Et le sixième point, on avait dit « Antakun al-ibad muwafaqat li shari'a » في زمنها بارك الله فيك في قدرها في ce point là qui me très bien avec Kamal, بارك الله فيك, dans sa quantité, que l'acte d'adoration soit en accord avec la législation d'Allah dans sa quantité. Comme on disait par exemple, si le maghrib c'est 3, et bien c'est 3, elle doit le faire 3 rak'at, elle doit pas faire 4 rak'at. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'après la salat, par exemple, on fait le dhikr de 33 fois, subhanallah, la personne va dire, moi je crois que si je vais faire 40, je crois que ça va être mieux que 33. Comme, eh bien, si elle pense comme ça, en pensant que c'est mieux de faire 40 que 33, eh bien, ça, elle vient d'inventer dans la religion. Mais si, par exemple, elle fait du dhikr, et sans faire attention, elle a fait plus que 33, c'est pas un problème, ça. Comme, mais le problème, c'est lorsque la personne, elle se dit, moi je pense qu'en faisant 40 c'est mieux. Eh bien, on verra avec ce que l'imam Malik rahimallah a dit à un homme. Ça c'est une fitna de penser que tu es favorisé ou tu es venu avec un privilège que n'est pas venu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était les points qu'on avait vus là. Ensuite on avait insisté sur différents points, c'était quoi exactement. On avait vu aussi que la personne qui fait une bid'a, qui invente dans la religion d'Allah, elle n'est pas purifiée, elle ne purifie pas son âme. Ça veut dire qu'elle invente quelque chose. Tu dis, t'as pris ça d'où? Montre-moi la preuve du Coran et de la Sunna et aussi la parole des compagnons. Montre-moi, tu l'as pris d'où ça? Et si la personne, elle n'a pas de preuve, mais elle fait, elle croit que c'est bien. Elle croit que c'est bien. Et comme Abdallah ibn Mas'ud a dit, combien veulent le bien, mais ne l'atteignent pas. Kam yuridul khayr lam yusibu. Combien veulent le bien, mais ne l'atteignent pas. Par exemple, moi, je veux aller à Lille. Ok? Mon intention, c'est d'aller à Lille. Quand une personne, son intention, elle veut faire un truc de bien, croit que c'est bien. Moi, je veux aller à Lille. Mais je prends l'autoroute qui mène à Lyon. Je n'arriverai jamais à Lille. L'autorité va me ramener à Lyon, tu comprends? Eh bien, c'est la même chose qu'une personne qui invente. C'est-à-dire que elle croit que c'est bien, tu lui dis, non, yani, le prophète Arsène, les compagnons, ils n'ont jamais fait ça, yani, ça a été jamais légiféré. Ouais, moi, je crois que c'est bien. Et je ne veux que le bien. Le bien n'atteindra jamais le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, yani, waqli shara' al-ibadat, hein, c'est pour purifier les âmes des gens, comme on disait. Ok? Comme on disait que, regardez dans la nourriture. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné les fruits et les aliments pour qu'on se nourrisse et pour les vitamines, parce que les vitamines ne sont pas produites par le corps, entre parenthèses, c'est des apports extérieurs, ça, les vitamines. Eh bien, on les trouve dans les légumes, tu vois, et dans les aliments qu'Allah nous a créés. Tout ça pour yani, qu'on se porte bien, tu vois ce que je veux dire, et qu'on soit en bonne santé, Inch'Allah. Donc, en faisant ça, la personne, eh bien, elle fait du bien à son corps. Mais une personne, si elle veut délaisser tout ça, elle dit, moi, je ne veux pas manger les fruits, voilà, les aliments, cela. Je veux manger des pierres, du bois et du charbon. Eh bien, elle détruira son corps. Tu vois? Eh bien, c'est pareil avec l'amal bil bid'a, la personne qui invente dans la religion. Elle va délaisser tout ce qu'Allah a légiféré. Parce que lorsque toi tu suis ce qu'Allah a légiféré, hein, eh bien, c'est pour purifier ton âme. Et bien la personne elle va laisser tout cela, elle va inventer dans la religion. Et bien elle ne purifiera pas son âme. Tu vois? La tasanahu wa la tasanahu. Ni son âme ne sera ni purifiée. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Rien ne sera purifié. Mais elle l'amène à la destruction. Et le jour, dans l'au-delà, lorsque les musulmans boiront, comme on avait dit, de la main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a une rivière Al-Kawthar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trempera sa main et puis il la donnera à boire aux musulmans, à ceux de sa communauté. Et ceux qui ont inventé dans la religion d'Allah, ils ne se sont pas repentis, ils sont morts comme ça. Ils ont inventé des grosses innovations et ils ont invité les gens à les faire. Hein? Lorsqu'ils meurent, lorsqu'ils viendront, parce que ce sont des musulmans aussi quand même, tu vois, c'est pas des trucs qui les ont fait sortir de l'islam, ça. Ils sont quand même des musulmans, mais ils ont inventé dans la religion. Et bien lorsqu'ils viendront pour boire de la main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y aura une barrière qui va se mettre entre eux et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il va, parce qu'il va les reconnaître avec les traces d'ablution, hein? Entre parenthèses, celui qui délaisse les prières, tu vois. Comment il peut se considérer musulman si il ne fait pas ses ablutions, il ne prie pas. Aussi, comme on verra aussi dans les prochains cours, Inch'Allah, c'est que les anges, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera de faire sortir des musulmans de l'enfer, dire comment on va les reconnaître? Ils vont les reconnaître par les traces d'ablution et par les lieux de prosternation. Donc si une personne n'a pas ça, comment veux-tu que l'ange va les anges vont les reconnaître? Tu vois? Ils vont rester avec les gens de l'enfer, ceux qui ne prient pas. Donc, il y aura une barrière qui va être mise entre eux et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens diront au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé et innové après toi, et changé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, que lorsqu'il les verra, il dirait, mais c'est ceux de ma communauté. Et les anges diront, mais tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé et changé après toi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, suhkan suhkan liman ghayyara wa baddal, loin de moi pour celui qui a changé et qui a modifié, tu vois, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un danger ça, tu vois. Et donc on avait vu aussi ce point là on avait vu aussi que al-bad'a allati taqa' fi al-ibadat 'ala qasmayn, l'innovation, que les choses que les gens inventent dans les actes d'adoration que l'on fait pour se rapprocher d'Allah. Elle est de deux types. Et on avait vu le premier type, qui était al-bid'a al-asliya. Parce qu'il y a al-bid'a al-asliya ou al-bid'a al-idhafiya. Une innovation, où est-ce que la personne, elle l'a ramené de sa poche, Tu vois ce que je veux dire? Al-bid'a al-idhafiya, c'est une innovation où est-ce que l'acte d'adoration lui-même, il a une origine, mais la personne va changer dans la façon de le faire ou dans, oui, dans la façon de le faire en fait. Soit elle va rajouter quelque chose, soit elle va diminuer quelque chose, soit elle va modifier la façon de le faire. Ok? Et donc c'est ça. Donc, et on avait vu le bid'a al-asliya parmi les innovations, on avait donné des exemples, des innovations qui sont, elles n'ont aucune origine dans l'islam. Aucune origine dans l'islam. Si tu crois ces gens-là et tu lui dis ramène-moi une preuve authentique, sur ça, il n'a rien. Il n'a rien. Parmi ça, on avait mentionné le Mawlid al-Nabawi. Il fêtait l'anniversaire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait dit que ça a été ni fait par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni fait par ses compagnons, ni fait par ses compagnons après qu'il soit mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni fait par les tabi'in, ni fait par atba' al-tabi'in. Les trois meilleures générations sont passées et ils n'ont jamais fait ce genre de truc. Jamais fait. Et on avait dit que l'origine, en fait, c'est quoi du Mawlid Nabawi, qu'on trouve dans beaucoup de pays du Maghreb aujourd'hui, et aussi dans le Pakistan et en Inde. On trouve beaucoup ça. C'est quoi l'origine? L'origine, c'est en fait au 4e siècle de l'Égypte, par une secte chiite appelée les Fatimiyines. Ce sont eux qui ont instauré ça en disant qu'on n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on veut lui prouver de l'amour et du respect. Mais les tabi'in, ceux qui faisaient partie des Qurun al-Mufaddala, des siècles appréciés, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a dit qu'ils font partie les meilleurs gens, khayrun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Et les tabi'i, ceux qui ont vu les compagnons mais qui n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, font partie, sont inclus dans ce hadith-là. qui font partie des meilleurs gens, eh bien ceux-là, ils ont vu les compagnons, ils n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils auraient pu dire, on ne l'a pas vu alors. Tu vois? Mais ils ne l'ont jamais fait. Ils ne l'ont jamais fait. Et une question très simple. Lorsqu'une personne fait ça, on va poser une question très simple à ceux qui font ça. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الاحتفال يقرب إلى الله أو لا؟ Question simple. Est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم savait, oui ou non, que fêter son anniversaire, eh bien, te faisait rapprocher d'Allah? Est-ce qu'il savait ou il ne savait pas, parce qu'il ne l'a jamais fait? Soit, il le savait qu'en faisant ça, ça te rapprochait, tu te rapproches d'Allah, ça veut dire que c'est un acte pieux, ça veut dire. Mais il ne l'a jamais dit. Ça veut dire qu'il n'a pas transmis le message. C'est une accusation grave. C'est comme l'imam Malik, rahimahullah, il a dit. من ابتدع في الإسلام بدعة ويراها حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. Celui qui invente dans la religion. Et qui dit que c'est bien ce qu'il est en train de faire. C'est bien, il n'y a pas de problème. C'est bon, on pense que c'est bien. Eh bien, il prétend que le prophète صلى الله عليه وسلم a trahi le message. Parce que ça veut dire que le prophète صلى الله عليه وسلم, il savait qu'il y avait un bien, mais il ne l'a pas dit. Donc ça veut dire qu'il n'a pas transmis tout le message. C'est une accusation de khiyana. Ça veut dire que tu l'accuses qu'il a trahi, sallallahu alayhi wa sallam. Wa hache. Il l'a tout transmis. Et ça, ça ne fait pas partie de la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Non. Hih aussi. Aussi, ça. Donc voilà, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hey, t'en joues, Bakalet. Il y en a ceux qui font ça. Le Mawlid al-Nabawi. On leur pose une question, est-ce que vous fêtez le jour de sa naissance ou le jour de sa mort? Hein? Vous fêtez quoi? Sa naissance, parce que vous êtes content qu'il est né? Ou Allah, vous fêtez sa mort, parce qu'il est mort aussi le même jour? Un autre point aussi, c'est que hunaka ikhtilaf bayn al-ulama sur la date de naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam précise, en plus. Donc, il y a en fait une divergence entre les savants sur le fait que, est-ce qu'il est né le 8, soit le 10, soit là, il y a 40 jours après, dans le mois de Rabi al-Awl, mais dans l'année, il y a le fil, tu vois, les éléphants qui ont voulu détruire la Kaaba. Donc c'est ça. Donc le truc c'est quoi? C'est que ces gens-là qui font ça, premièrement, ils n'ont aucune preuve. Pourquoi tu le fais? On croit que c'est bien. Oui, mais, subhanallah, yani, la personne qui croit que c'est bien, est-ce qu'elle croit que les compagnons ont oublié qu'il y avait un bien de le faire? Et donc les gens en 2012, ils vont être mieux que les compagnons? Subhanallah. Yani, ça, c'est un manque de respect pour les compagnons. Le succès dans cette religion-là, c'est un succès. Yani, c'est une religion de quoi? De suivi. Allah, il ne t'ordonne pas d'inventer des nouvelles choses. Voilà, te faire du mal à toi-même. Voilà, comme je disais la dernière fois que j'avais croisé un frère qui avait dit « Je crois que n'importe qui, il peut adorer Allah comme il veut. » Subhanallah. L'imam Malik, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? L'imam Malik, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit après avoir dit « Man ibtada'a fil islam bid'a, wa yaraha hasana, faqad za'ama anna nabi sallallahu alayhi wa sallam khana risala, li anna Allah yaqul. » Parce qu'aujourd'hui, Allah SWT a dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Donc, ça c'est le verset 3 de Surat al-Ma'idah, Surat 5. Eh bien, ensuite il a dit quoi? L'imam Malik, il a dit, فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ إِذَنْ دِينَ لَا يَكُنْ الْيَوْمَ دِينَ. C'est clair. Ce qui n'était pas une religion du temps du prophète Mohammed sallam ne sera jamais une religion aujourd'hui. Si le prophète ne l'a pas fait, ben voilà, ça ne fait pas partie de l'islam. Et on va voir aussi les différences de trucs. Ibn Rajab, rahimahullah, qui est un savant, qu'est-ce qu'il a dit à propos de Tafsir Nta al-Arba'in Nawawi, l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi, rahimahullah. Il a dit quoi? Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kul bid'a dhalala ». Toute innovation est une déviance. « Kul bid'a dhalala ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa kul dalala fi an-nar. OK? Comme j'avais dit la dernière fois, celui qui veut dire bah pas toutes les innovations sont mauvaises, eh bien il sera obligé de dire que pas toutes les déviances sont mauvaises, certaines déviances peuvent être bonnes. Celui qui veut dire qu'il y a des bonnes innovations, il est obligé de dire qu'il y a certaines déviances qui sont bonnes. Astaghfirullah. Ça c'est opposé à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de toute façon lui-même, il a dit man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Celui qui fait un acte pour se rapprocher d'Allah, eh bien cet acte se verra, alors qu'il ne provient pas de notre ordre, cet acte se verra rejeté. Et on va voir aussi les shubha que les gens ils peuvent ramener. Ils vont dire oui mais les tarawih, la compilation du Coran. On va voir ça inshallah, pour comme ça on va enlever tous les doutes inshallah. Ibn Rajab rahimullah a dit dans l'explication des 40 hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute innovation est un égarement. Kul bid'a dalala. Cela fait partie des expressions qui en arabe résument tout. C'est un des plus importants fondements, yani mal aham al-usul fi ad-din. Et cela est semblable à une autre parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani kima qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa rad. Donc ensuite il a dit quoi Ibn Rajab rahimullah, celui qui introduit une nouveauté et l'attribue à la religion sans prendre appui sur les fondements de l'islam, et bien celui-là est dans l'égarement. Et la religion se disculpe de cette prétention. Yani ad-din itbarra minhu. Tu vois? Il barra de la personne qui veut rajouter, qui veut légiférer avec Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose. Qu'il s'agisse de questions ayant trait à la foi, aux paroles ou aux actes apparents ou cachés. Que ce soit fil aqwal ou la fil a'mal ou la yani dans l'a'mal, que ce soit zahirin ou batin. Il y en a qui vont dire que, eh bien on peut dire qu'il y a des innovations qui sont bonnes parce qu'ils vont se baser. Le hadith il est dans Sahih al-Bukhari, il est authentique. Où est-ce que Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit ni'mat al-bad'a hadhihi. OK? Il y en a plein qui vont utiliser ça. Ils vont dire regarde, on peut dire une bonne innovation. Pourquoi? Parce que Omar ibn Khattab radiallahu anhu il a dit eh bien, c'est une bonne innovation. Ce qu'il faut savoir ici, c'est pas la bad'a fi ad-din. OK? C'est pas shar'iyya parce qu'en fait, il parlait dans Sahih al-Bukhari, lorsque vous lisez le hadith, il est on avait dit dans Sahih al-Bukhari. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant son vivant, a prié trois premières nuits pendant le mois de Ramadan. Ok, fi Ramadan, qiyam al-lil, tarawih. Il priait. Et les gens ont commencé à prier derrière lui, première nuit. La deuxième nuit, les gens, les compagnons, ils sont informés tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de prier les tarawih. Tu vois, à la mosquée, pendant l'ayali Ramadan, yani pendant les nuits du Ramadan. Donc les gens, ils ont commencé à venir tous. La troisième nuit, la mosquée, elle était blindée. Mais bien fond. Tu vois, tout le monde priait derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La quatrième nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti jusqu'à la prière du Fajr. Jusqu'à la prière du Fajr. Donc eux, ils l'attendaient, yani après le Isha. Et il n'est pas sorti jusqu'à la prière du Fajr. Et après la prière du Fajr, il a dit La yarfa anni makanakum. Yani, le fait que vous êtes là, le fait que vous étiez là aussi dans une nuit précédente, ne mettez pas, c'est pas caché, mais c'est pas. Je savais que vous étiez derrière moi. Je savais que vous priez derrière moi. Mais. J'ai préféré ne pas venir parce que j'avais peur que Allah subhanahu wa ta'ala la rende obligatoire et les musulmans la délaissent par la suite. La rahma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Anbiya, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'humanité. Donc il a dit quoi? Il a dit qu'il ne voulait pas venir en fait. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que Allah la rende obligatoire. Voilà, tolifard. Mais je m'en ai ta tolifard. M'en ai ta, si tu la délaisses, tu pêches. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est fard, dans le fiqh, c'est quoi? Fard, il y a une différence entre fard et mustahab. Ok? Voilà. Fard, c'est obligatoire. n'y a pas de discussion. Si tu ne fais pas, tu es un pécheur. Tu as péché. Tu vois? Mustahab, tu le fais, tu es récompensé. Tu ne fais pas, il n'y a pas de mal sur toi. Voilà. Donc le truc c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il avait peur que ce soit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala la rende obligatoire. Et les musulmans par la suite la délaissent. Et donc ils seront yarjizu anha. Ça veut dire qu'ils vont la délaisser et puis, donc ça veut dire qu'ils vont devenir pécheurs en délaissant une obligation. Subhanallah. Donc ça, ça a déjà une origine dans l'islam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit ses compagnons de prier derrière lui. Tarawih. Ok, premièrement. Deuxièmement, c'est quoi? Il y a une chose, la seule chose qui l'a empêché, c'est quoi? La crainte qu'Allah la rende obligatoire. Ok. C'est pour ça que Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, sa khilaf a été courte, 2 ans. Ok, a été courte. Et lui, pendant sa khilaf, pendant son califat, Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, eh bien, il combattait les gens qui ont apostasié de l'islam en refusant de donner la zakat. Parce qu'ils considéraient que la zakat n'est plus obligatoire après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il les a combattus. Et donc, il était occupé avec ça. Ensuite, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il est venu, il a réinstauré la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que les ulama ils disent, lorsque Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, a dit « Ni'met al-bid'a hadi, yurid al-qawliya, la al-shar'iya ». Ce qu'il voulait dire, c'est linguistiquement. Parce qu'Abu Bakr Siddiq, il ne l'avait pas fait. Lui, il l'a réinstauré derrière un imam wahid, comme eux, ils priaient derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce n'est en rien une innovation. Ok? Une innovation dans la législation d'Allah. Ce n'est en rien, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà l'avait fait. Donc, ça, ça a une origine déjà. Ok? Ça, c'est sur ce point-là. On revient sur la tarawih, il y a une tarawih, c'est pas farz. Exactement. Oui, c'est-à-dire que la personne, si elle l'a fait, elle est récompensée. Elle est récompensée. Si elle ne l'a fait pas, elle ne pêche pas. Voilà, c'est pas un fard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Le jour de la résurrection. Bon, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est mustahab. C'est pas une obligation. Celui qui dit c'est une obligation, c'est un menteur. C'est pas une obligation. Tarawih, c'est pas une obligation. Mais lorsque toi, tu viens, tu l'as fait, tu es récompensé. Hein? Alhamdoulilah. Bon, si tu ne la fais pas, tu n'es pas un pécheur. Mais le jour de la résurrection, ce sera des regrets. Que la personne allait délaisser telle ou telle sunna. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle verra des gens qui sont à un niveau plus élevé au paradis, tu vois, elle regrettera que si elle aurait fait plus d'actions pour se rapprocher d'Allah, elle serait peut-être au-dessus d'eux. Tu vois? Oui aussi. Mais après, bon, ça rentre dans un autre truc. Ça aussi, ça rentre dans un autre truc, c'est parce que, entre parenthèses, vite fait, lorsque aussi l'imam, il lit, par exemple, tu vois, il récite le Coran, les gens, ils doivent avoir leurs mains sur leur poitrine. Ils ne doivent pas rester à tenir le Coran et tourner les pages et se déranger et déranger les voisins qui sont à côté. La personne, elle doit écouter l'imam. La personne, elle doit écouter l'imam. Et donc, c'est pour ça que les ulama ont dit qu'il faut éviter ce genre de truc parce que ça va te déranger toi. Tu vas faire beaucoup de gestes, tu sais qu'en faisant beaucoup de gestes, ça va annuler ta prière. Plus tu fais de gestes, plus ça annule ta prière. Et tu risques de déranger le frère qui est à côté de toi. Lui, il veut se concentrer, il veut essayer d'avoir du khushu', plus être humilité. Et tu vois, il ferme le Coran parce qu'il sait que l'imam va s'arrêter là et puis après il va se... Tu vois, la personne, elle est plus concentrée, elle est plus avec toi dans... Tu vois, c'est pour ça que les ulama, entre parenthèses, ils ont dit, faut éviter de ça, faut mieux écouter l'imam, en fait, de qui récite le Qur'an. Wallahu a'lam. Ensuite, c'est quoi? C'est que, il y en a, ils vont dire aussi des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, ils vont dire, eh bien voilà, regardez, aujourd'hui, on a des livres de hadiths, donc ça, c'est une bonne innovation. C'est pas une innovation. Elle a une origine dans la religion. Pourquoi? Parce que la transcription des hadiths, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ordonna de mettre par écrit certains hadiths parce qu'il y a des compagnons qui lui ont demandé. Donc ça, c'était déjà du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en fait, il avait interdit que, de son vivant, qu'ils écrivent tous les hadiths. De crainte que ça se mélange avec le Coran. tu vois, de crainte que ça se mélange avec le Coran. Donc déjà, l'écriture des hadiths, elle était déjà présente du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, le Coran est complet, et bien l'interdiction est levée. Donc ils se sont mis à écrire tous les hadiths. Donc il n'y a rien d'une innovation, puisque c'était déjà présent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Abu Hafs, pour en revenir à ce qu'on disait avec l'histoire du Mawlad, l'imam Abu Hafs, Tajeddin al-Fakhani, rahimahullah, a dit: un groupe de musulmans m'a plusieurs fois interrogé sur l'origine dans la religion de réunions faites par certains musulmans pendant le mois de Rabi al-Awwal, qu'ils appellent al-Mawlid, et m'ont demandé une réponse claire et ont désiré une explication nette. Ok ? Ba'd al-Muslimin, chawishouf wa hadha al-alam wa qalulu. Voilà, on voit qu'il y a des musulmans qui se regroupent, yani fi Rabi al-Awwal, et puis ils célèbrent ça. On veut savoir l'origine. Est-ce qu'il y a une origine ? C'est quoi les preuves ? On veut une explication claire. Il a dit: j'ai dit, avec l'aide d'Allah, je ne connais pas de preuves issues du Coran ou de la Sunna prouvant la raison d'être de cette fête. Et personne parmi les savants exemplaires l'ont rapporté. Personne. Comme on disait, ni l'imam Abu Hanifa, ni l'imam Malik, ni l'imam Shafi'i, ni l'imam Ahmed. Yani, parmi, on avait vu déjà les quatre imams, les quatre grands imams, puis ceux qui les ont suivis à la perfection, et les sahab, et les tabi'in. Ça s'est jamais fait. Pourquoi yani, on va se mettre dans des problèmes? Tu vois ce que je veux dire? Subhanallah. Ensuite, il a dit quoi? Il a dit: et personne parmi les savants exemplaires l'ont rapporté. Cette fête est une innovation de ceux qui profèrent des mensonges et veulent satisfaire leur instinct primaire. C'est ce qu'il dit dans Risal al-Mawrid, fi A'mal al-Mawrid. Et Cheikh l'Islam, rahimallah, qu'est-ce qu'il a dit? Ibn Taymiyyah. Il a dit: ce qui est innové par certains, et soit une imitation des chrétiens dans la célébration de la fête de la naissance de Isa, hein, soit une manifestation d'amour et d'admiration pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela malgré les divergences existantes sur la date de sa naissance. Hein, malgré qu'ils ne savent pas exactement waqt mawlud an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait que les compagnons ne l'aient pas fait. Il est évident, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Hussain? Il dit: il est évident que si cette fête était un bien, et que c'est mu'akkad, que c'est un bien sûr, ou probable, ou mumkin, les compagnons nous auraient devancés dans cela. Car ils aimaient et admiraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nous, tu vois? Plus que nous pouvons le faire. Qu'est-ce qu'ils étaient encore, les compagnons? Ils étaient plus très désireux de faire le bien. À chaque fois, ils voulaient faire le khir. À chaque fois, ils étaient en train de... istabaqou fil khayrat. Hein? Cependant, cet amour et cette admiration, l'hubb hada, ou l'ihtiram l'innabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Eh bien, ça consiste à lui obéir, à le suivre, à observer ses ordres et à faire vivre sa sunnah de manière apparente ou cachée. C'est ça le hubb l'innabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis que tu aimes le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu dis que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien tu le suis. Tu essaies de lui ressembler. Tu lui obéis, tu essaies de faire vivre sa sunnah. C'est ça l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tu dois écouter. Tu dois accepter le hadith. Il te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit. Le hadith, il est authentique, tu vois. Moi, je te dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mon imam, il m'a dit ça. Subhanallah. Tu vois. Et il a dit, et ceci est la ligne de conduite des premiers musulmans parmi les muhajirines et les ansar et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance. Ça, c'est Fiyatida, Sirat al-Mustaqim. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a aussi parmi les autres bid'a, akliya, qui n'ont aucune origine? Par exemple, et ça, ces questions-là ont été questionnées les savants, qui sont notamment à la commission de la fatwa en Arabie Saoudite, sur, par exemple, prononcer l'intention d'accomplir la prière. Par exemple, Nawaitu salat al-Isha. J'ai l'intention de prier salat al-Isha. Nawaitu salat al-Isha, matalan ou quoi que ce soit. Tout, yani, j'ai l'intention de prier, dire à haute voix. Ça n'a aucune origine dans l'islam. On ne sait pas depuis la ramener. Donc, ça, c'est aussi une innovation. Faire aussi le zikr en groupe, ils l'ont aussi dit. C'est-à-dire que, comme on verra aussi, une narration sur Amr ben Yahya. Par exemple, les gens, ils font du zikr en groupe. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tous ensemble d'une seule voix. s'il y aurait eu un bien en faisant ça, le prophète sallam et les compagnons, ils l'auraient fait. Rien ne les a empêchés de le faire. Ça aurait été simple pour le prophète Mohammed sallam et ses compagnons de le faire. Et ça aurait été retranscrit dans les hadiths. Ça n'a jamais été fait. Donc, il n'y a aucun bien à le faire. Parce que, ils ont dit quoi? Les ulama, ils ont dit parce que le zikr, il doit se faire individuellement. Même si la personne le fait à haute voix, mais c'est pas en cœur. Aussi, lire la fatiha dans différentes occasions. Donc, selon Amr ibn Yahya, rahimahullah, il a dit, j'ai entendu mon père raconter que son père a dit, nous nous asseyons près de la porte de Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, avant la prière de Fajr. Ça, c'est après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il sortait, lorsque Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, yukhrij min daru, eh ben, huma yitab'u. En fait, qadim yastannaw fi, en fait, juste devant sa porte, et waqt li huwa yukhrij, eh ben, yitab'u. Okay? Donc, quand il sortait, nous l'accompagnons à la mosquée. Abu Musa al-Ash'ari, qui est aussi un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vint et dit, est-ce que Abu Abdurrahman est sorti? Abu Abdurrahman, c'est la kunya de Abdallah ibn Mas'ud. Okay? C'est comme par exemple, moi c'est Abu Muhammad, c'est pas moi, c'est yani ceux qui ont leur premier enfant, eh bien, eux ils sont Abu, eh bien le nom du premier enfant, tu vois. Ça c'est ça la kunya, tu vois. Donc, est-ce que Abu Abdurrahman, c'est-à-dire est-ce que Abdallah ibn Mas'ud, est sorti? Ils ont répondu non. Il resta avec nous, yani Abdallah ibn Mas'ud, il est resté, yani Abu Musa al-Ash'ari, il est resté avec ceux qui attendaient Abdallah ibn Mas'ud, jusqu'à que Abdallah ibn Mas'ud sorte de chez lui. Et lorsqu'il est sorti, Abu Musa al-Ash'ari lui a dit, « Oh Abu Abdurrahman, j'ai vu tout à l'heure, dans la mosquée, une chose que j'ai désavouée. » Il y a une chose très une carte. « Mais je n'en ai vu que du bien, walillah alhamd. » Et je pense que c'est bien. « Qu'est-ce que c'était ?» demandait Ibn Mas'ud. Il lui a dit, « Tu verras si tu vis assez longtemps pour ça. » J'ai vu dans la mosquée des gens assis en, yani en groupe comme ça, c'est des cercles, ok, attendant la prière, yastannaw fi salat. Et avec dans leurs mains des cailloux, andum lahjar fi yadum, ok, puis yabdaw yahsabou al-afkar. Et dans chaque groupe, il y a un homme qui dit, dites 100 fois Allahu Akbar. Il se met à dire, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jusqu'à ce qu'il y en a, il y a une fois, Allahu Akbar. Jusqu'à ce que ça arrive, jusqu'à dire, Allahu. Ou à Manchester, par exemple, il y a des gens qui sont comme ça. Ils commencent à dire, Allahu Akbar. Ils font, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jusqu'à qu'après, ça fait, Allahu, hu, hu, hu, hu. Parce que hu, pour eux, c'est un niveau élevé. Tu vois, et même ils disent, certains d'entre eux, ils disent que, faut éviter de dire, la ilaha illallah lorsque tu meurs. Pourquoi ils disent? Parce que, par exemple, tu peux dire « La ilaha » et puis tu meurs. Mais tu l'as ramené ça d'où, subhanallah? Ben, toi, tu le fais avec la niya. « Innama al-a'mal bin niya » comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et tu le dis. Après, si tu meurs pendant que tu es en train de le dire, alhamdoulilah. Tu vois? Et ils ont dit non. En disant « Hu », c'est plus fort que dire « La ilaha illallah ». Bon, ça c'est un autre, tu vois. Donc, il a dit dans chaque groupe, je voyais des gens, ils faisaient ça. Ils jetaient une pierre et il y en avait un, il disait « Dites 100 fois, subhanallah, dites 100 fois Allahu Akbar, dites 100 fois alhamdoulilah. » Ibn Mas'ud lui a dit alors, n'aurais-tu pas dû plutôt leur ordonner de compter leurs mauvaises actions? Ya'uddu sayyi'at mtahum khair. Et tu les aurais garanti qu'ils ne perdent rien de leurs bonnes actions. Yani, il y a quelqu'un qui tfakkar ou yitdhakkar fi l'a'mal sayyi'a mtahu, tu vois? Et bien le truc c'est quoi? C'est que il a pas à se faire du souci sur ses bonnes actions. Les bonnes actions, et bien c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la personne, elle se remet en cause sur ses mauvaises actions. Fahmi ? Inch'Allah, on va terminer, Inch'Allah. Et donc, Ibn Mas'ud, il arrive et il dit, il les trouve dans ça, en train de faire ça. Et il leur dit, « Waylakum ! Oh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Comptez plutôt vos mauvaises actions. « Uddu sayyatikum ! » Après, il leur dit, malheur à vous, communauté de Mohammed, combien votre perte est rapide. Combien votre perte est rapide. Et après, il a dit, ses compagnons sont encore nombreux. Hein? Il y a l'ashab n'ta'an nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils sont encore nombreux. Moujoudine, ma me touche encore, tu vois. Les vêtements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont encore présents. Et sa vaisselle n'est pas encore cassée. Après, qu'est-ce qu'il leur a dit? Écoutez bien. Wallahi nafsi biyadi. Par celui qui détient mon âme entre ses mains. Soit, c'est l'une des deux, c'est pas plus, c'est l'une des deux. Soit vous êtes sur une voie plus droite que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soit vous avez ouvert une porte menant à l'égarement. C'est l'une des deux. Soit enti ta ala huda khir min al-huda min al-hadi nta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc ça c'est impossible, ou soit tu es en train de tahal bab nta ad-dalal. C'est l'un des deux. Et ils ont dit quoi? Par Allah, ya Abu Abdurrahman, nous ne voulons que le bien. On veut que le bien, nhabou que le khair. Ma aradna illa khaira, comme c'est dans la narration. Et c'est pour ça qu'Abdallah ibn Mas'ud, il leur a répondu en leur disant, et combien ont voulu le bien sans jamais l'atteindre, sans jamais l'obtenir. Kam yurid al-khair lam yusib. Comme je disais, mon intention, c'est d'aller à Lille et je prends l'autoroute de Lyon. J'arriverai jamais à Lille, j'irai à Lyon. Tu vois? Donc, Inch'Allah, on va terminer, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah, bi'idhni Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.